chantre de Alcool par Guillaume Apollinaire. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Et l'unique cordeau des trompettes marines. Fin. Enregistré par Malone.